sait, il préfère partir. Il a choisi de ne plus te faire souffrir. Il sait bien qu'il est capable du pire, de choses qu'il n'osera jamais te dire. Ça devient trop lourd à supporter simplement. Il voudrait balayer ses erreurs du passé. Qu'il continue de tricher, il s'en veut, mais ne peut s'arrêter. J'suis désolé, I'm sorry. Show.